Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal, en voici les titres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme trouve que la question du retrait des enfants doit être bien analysée pour éviter des irrégularités comme cela s'est manifesté dans le passé. C'est au moment où l'on célébrait ce samedi 20 novembre 2021 le 32e anniversaire de la Convention des droits des enfants. Et certains petits commerçants transfrontaliers ignorent l'importance du numéro d'identification fiscale NIF. Ces derniers estiment que ce numéro est destiné aux grands commerçants, vous l'entendrez dans ce journal. À Rumonge, les habitants de la colline Kiremba craignent des éventuels accidents qui peuvent être causés par des fils électriques dénudés et plaident pour la réparation, chose promise par la Régie des eaux région sud. Et comme à l'accoutumée, après ce journal, vous avez droit à la revue de la presse avec Jean-Bosco Nduimana et Isne Bariko. Voilà pour l'essentiel. Elika Dogo est à la manette du son. Moïse Misago suit à la présentation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, le retrait des enfants de la rue doit être traité minutieusement pour éviter les irrégularités comme cela s'est manifesté dans le passé. Déclaration du commissaire chargé des droits de l'enfant à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. C'était ce samedi dans une déclaration relative à la célébration du 32e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant édition 2021. Jacques Nshimirimana ajoute que le ministère de la Solidarité est en train d'élaborer une nouvelle stratégie de retrait de ces enfants de la rue. Suivez-le. La question en rapport avec les enfants en situation de rue, c'est une question très spéciale, une question qui nécessite des solutions spéciales. Certains enfants ont pu regagner leur famille, malheureusement d'autres ne sont pas retournés dans leur famille parce que c'est une question qui nécessite que chaque enfant soit traité à part entière. Donc les raisons qui ont poussé tel enfant à venir dans la rue ne sont pas les mêmes que celles qui ont poussé l'autre à venir dans la rue, bien que ces enfants peuvent se rencontrer dans la rue. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de l'avancée dans ce secteur, dans ce domaine des droits de l'enfant et surtout sur cette question en rapport avec les enfants en situation de rue parce que le ministère en charge de la solidarité nationale, très récemment, il y a 2 mois, a présenté à ses partenaires une nouvelle stratégie sur les enfants en situation de rue. Nous espérons qu'avec cette nouvelle stratégie, l'on pourra pousser le bouchon un peu plus loin et pourquoi pas atteindre des résultats que l'on n'a jamais atteints dans la réponse de cette problématique des enfants en situation de rue. C'est une question qui nécessite une attention toute particulière parce que le fait que ces enfants soient dans la rue ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des droits. Ils ont des droits qui doivent être respectés comme les droits d'autres Burundais. Donc, nous devons les respecter et nous espérons qu'avec l'année qui s'annonce, 2022, nous pourrons accélérer avec des actions concrètes visant à juguler ce phénomène des enfants de la rue. Et cette commission a primé 3 activistes qui sont démarqués dans la défense des droits de l'enfant édition 2021. Il s'agit de Christine Nahe, Girukushaka Boniface et Nakirusha Cécile. Le renforcement du contrôle budgétaire par l'appui technique du Parlement pour bien effectuer ce travail, c'est l'une des recommandations du Forum national pour le développement clôturé ce vendredi. L'autre recommandation est de séparer les postes techniques des postes politiques pour éviter le cumul des fonctions armées motorées. Le Parlement doit être appuyé techniquement pour lui permettre d'effectuer efficacement le contrôle budgétaire. C'est la recommandation de Boaz Enime, expert économiste, ce jeudi lors du Forum sur le développement du Burundi. Renforcer le contrôle budgétaire. Et là, le Parlement doit être appuyé très techniquement et pour pouvoir examiner les crédits budgétaires conséquemment et se prononcer sur des niveaux d'endettement public et avoir aussi des éléments pertinents à travers l'assistance technique qu'elle reçoit de la Cour des comptes pour donner des orientations permettant de proposer une trajectoire viable et mettant en place des stratégies crédibles de réduire le niveau d'endettement. Boaz Enime a également recommandé le contrôle et le suivi dans l'exécution des travaux de construction des infrastructures publiques pour leur durabilité. Il faut que nos routes que nous finançons à travers le budget soient des routes durables pour qu'elles ne soient pas maintenues après 2 années de construction. Donc, il y a la durée de vie économique d'une infrastructure, les services qui sont chargés du contrôle budgétaire quand le service est déjà fait. Là, nous interpellons qu'on doit s'assurer que l'investissement public qui est financé par l'État est un investissement durable qui n'est pas renouvelé avant la durée de vie économique est nécessaire. La force de l'administration publique passe par la séparation des postes politiques des postes techniques. C'est l'avis de Faustin Dikoumana, président du PARCEB, lors de ce forum sur le développement. Séparer les postes politiques des postes techniques, il faut appliquer la séparation des postes politiques des postes techniques. C'est là aussi ce qui garantit la force de l'administration pour éviter que l'administration soit politisée à outrance. Le manque de personnel qualifié pour la négociation des contrats de partenariat public-privé a été soulevé comme l'un des défis majeurs du pays. Il a été suggéré le renforcement des capacités pour permettre au cadre de l'État de bien défendre les intérêts de l'État. Merci Armel Moutore. Les chefs des programmes et projets visant le développement de la population en province Kayanza sont appelés à collaborer avec les chefs de services des domaines d'intervention. Propos de Désiré Niburana, directeur administratif et financier au secrétariat permanent exécutif de la Commission nationale de la protection nationale. C'était ce vendredi à Kayanza dans un atelier d'analyse des projets et programmes de développement qui sont en cours d'exécution dans cette province. Patrick Sengeyomba. Certains de ces projets et programmes de développement en cours de réalisation à Kayanza sont surtout le projet Tuberoneza appuyé par l'Oxfam, dont le chef du projet Apollinaire Hazigamayo indique que le groupe cible des bénéficiaires est essentiellement constitué par des personnes les plus âgées et celles en situation de vulnérabilité. Selon ce chef du projet Tuberoneza à Kayanza, ces bénéficiaires gagnent pour chaque ménage une enveloppe de 260 000 donnant francs allouée à l'autodéveloppement. Un autre projet est celui Terra Renaissance, qui s'est chargé de l'encadrement des enfants de la rue surtout à l'air permettant l'accès à l'enseignement des métiers. Au niveau de l'administration en province Kayanza, l'on dit se réjouir de la contribution de ces projets et programmes de développement dans l'amélioration du niveau de vie de la population. Pourtant, Rémi Chicha, le gouverneur de la province Kayanza, appelle les chefs de ces projets à toujours se conformer au plan d'action. Celui qui exercera les activités en ne respectant pas la loi se verra infliger des sanctions qui s'imposent. Certains des chefs des services techniques de différents domaines d'intervention de ces projets ont dénoncé le comportement de certains chefs de projet qui ne collaborent pas étroitement. La pérennisation des acquis et série des actions deviendrait difficile pour la population si les chefs des services techniques n'ont pas été consultés avant et pendant la réalisation du projet, et même l'impact positif du projet est aussi difficile à évaluer, ont précisé certains de ces chefs des services techniques. À ce propos, Désiré Niburana, directeur administratif et financier au sein du secrétariat permanent exécutif de la Commission nationale de la protection nationale dans le ministère de la Solidarité nationale, appelle les chefs des projets et programmes de développement à toujours collaborer avec l'administration et surtout les chefs des services des domaines d'intervention des projets. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganilo. À 13h04, poursuivons cette édition. Les femmes exerçant le petit commerce transfrontalier ne savent pas l'importance du numéro d'identification fiscale NIF. Certaines de ces femmes exerçant le commerce à la frontière de Gatumba estiment que ce numéro n'a aucune valeur et que ce dernier est destiné aux grands commerçants. Stanley Gendakoumana, directeur de la communication et des services aux contribuables à l'Office burundais de recettes OBR, indique que l'ONIF garantit les commerçants à travailler dans le formel Medar Nyonghuru. Les femmes exerçant le petit commerce transfrontalier à la frontière de Gatumba estiment ne pas utiliser le numéro d'identification fiscale NIF. Selon elles, ce numéro est sans importance et surtout réservé aux commerçants qui ont un capital élevé. Normalement, je ne vois pas l'utilité du NIF car je suis une petite commerçante. Je crois que le NIF est réservé aux grands commerçants qui utilisent les actros. Moi, j'ai de petites marchandises. Le NIF n'est pas vraiment utile. D'ailleurs, je le connais il y a peu de temps. Nous sommes d'ici, tout près de la frontière. On a un petit capital qui ne nous permet pas d'importer. De ce fait, le NIF vaut rien pour nous. Cette commerçante demande la diminution des barrières sur les routes qui provoquent parfois la corruption car l'argent qu'elle donne n'est pas accompagné d'un récit ou quittance. Nous demandons à l'administration de diminuer toutes ces barrières. De la rivière Rusizi à la frontière de Gatumba, on compte à peu près 7 barrières, sans toutefois compter les barrières du centre-ville. On travaille à perte. Deuxièmement, nous demandons au moins qu'ils nous donnent des reçus pour justifier cet argent. À l'Office burundais des recettes, l'on déclare qu'il n'y a aucune condition particulière pour avoir un numéro d'identification fiscale. Stani Ngendakumana, directeur de la communication et des services aux contribuables à l'Aubert, annonce qu'exercer le commerce sans NIF, c'est travailler dans les formels et demande également à ces femmes de dénoncer à l'Aubert toute forme de corruption. Il n'y a pas de condition particulière pour avoir son numéro d'identification fiscale. Il suffit tout simplement d'être contribuable et de venir au bureau de l'Aubert le plus proche. Exercer le commerce sans numéro d'identification fiscale, c'est comme si donc on exerce dans les formels. Nous avons un numéro de lutte contre la fraude et la corruption, c'est le numéro 77 510 975, et son numéro se trouve également sur le WhatsApp. Nous avons également un autre numéro de dénonciation de la fraude qui est le 71 450 450. Nous demandons à ces femmes victimes de l'une ou l'autre escroquerie d'appeler chaque fois l'Office burundais des recettes, à chaque fois qu'elles voient qu'elles sont malmenées par l'une ou l'autre personne qui se dit être de l'Office burundais des recettes. Et même pour le cas des autres agents, des autres partenaires qui travaillent avec l'Office burundais des recettes. Les commerçants sont appelés à exercer les activités commerciales dans le formel afin de jouir tous les avantages qu'offre le marché officiel burundais. Merci Médard Niyonkuru. Les trous creusés par la régie des eaux dans les routes pour chercher les pannes sont réparés par l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat au Buha. Ceci est dit par le directeur chargé de la facturation à la régie des eaux. C'était dans le cadre d'un atelier organisé par l'autorité de régulation des secteurs de l'eau et de l'électricité à Rennes. Willy Manerambona trouve s'il y a des retards dans la réparation, que des efforts devraient être fournis. On l'écoute. Pour ce qui est de là où la régie des eaux creuse et qu'il se trouve qu'on tarde à réparer, premièrement, la régie des eaux creuse pour faire le raccordement. Et c'est que dans le devis, l'abonné paie la facture de ceux qui vont réparer. Auparavant, c'était la CTMU, mais aujourd'hui, ça a changé, c'est le Buha. Quand ça traîne, à cause du raccordement, ça n'engage pas la régie des eaux. La plupart des fois, c'est l'affaire de ceux-là qui ont reçu l'argent. Et quand il y a panne et qu'on creuse, ils viennent également pour réparer. S'il y a des retards, les efforts devraient être fourni pour que ça soit réparé le plus rapidement possible. Willy Manerambona, directeur à la régie des eaux chargée de la facturation, était traduit en français par Arthur Kabawushi. Et pour boucler cette édition, les habitants proches de la ligne basse tension à câble électrique en aluminium dénudé sur la colline Kirimba, commune et province Bururi, tirent la sonnette d'alarme pour une intervention rapide de la régie des eaux. Ils craignent l'électrocution après deux fois de court-circuit ayant entraîné des flammes depuis le mois d'août de cette année. Au niveau de la régie des eaux dans le sud du Burundi, l'on informe qu'une réquisition du matériel a été déjà faite pour vider cette question. Et nous devons cet élément à notre correspondant Jean-Pierre Misago. Et voilà, chers auditeurs, à 13h09, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Elika Dogo qui était à la manette du son. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean-Bosco Nduimana et Isne Bariko. Gardez l'écoute. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Les avocats burundais privés d'exercice au Kenya, écrit le journal Iwachu. En effet, le Parlement kenyan a voté jeudi 11 novembre L'interdiction d'exercer au Kenya à l'endroit des avocats burundais et rwandais par application du principe de réciprocité, comme le rappelle le bâtonnier de Gitega, Jean Bosco Bigirimana, dans les colonnes de cet hebdomadaire, l'article 7 de la loi du 29 novembre 2002 portant réforme du statut de la profession d'avocat ne permet pas à un avocat étranger d'exercer au Burundi. Il évoque aussi l'article 30 qui n'autorise que les avocats inscrits au barreau burundais à y pratiquer leur profession. C'est-à-dire que les avocats kényans ne sont pas libres d'exercer au Burundi, alors que leurs homologues burundais ont libre accès au marché kényan. Iwachu note que plusieurs avocats et juristes burundais disent comprendre cette décision et demandent à l'État burundais d'appliquer le protocole du marché commun de l'EAC. D'après l'avocat Jean Bosco Bigirimana, cité toujours par cet hebdomadaire, il y a espoir d'un changement et d'évoquer la retraite gouvernementale tenue du 24 au 28 mai 2021, qui avait notamment pour but de proposer une réforme de la législation burundaise pour la rendre conforme au protocole de marché commun de l'EAC, garantissant la libre circulation des travailleurs et un traitement égal des citoyens des pays de l'EAC. Dans cette retraite, il a été recommandé la modification des articles 7 et 30 de la loi régissant la profession, précise encore Maître Jean Bosco Bigirimana dans les colonnes d'Iwachu. La centrale hydroélectrique de Rudzibadzi, située dans la province de Rumonge, sera réceptionnée le mois prochain, annonce Burundi Echo. Cet hebdomadaire précise que cette centrale a été construite sur un financement de la République populaire de Chine pour un montant de 80 millions de dollars américains, qu'elle aura une capacité de production d'électricité de 15 MW et que sa mise en service reste maintenue en avril, donc 6 mois avant la fin de la période contractuelle. Revue de la presse. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, garantit aux enfants du monde entier un certain nombre de droits, dont l'accès à l'éducation, rappelle la voix de l'enseignant. Au Burundi, fait remarquer son confrère, en dépit des mesures prises et des actions menées allant dans le sens de la mise en application de ce droit, beaucoup reste à faire. Des centaines de milliers d'enfants ne vont pas à l'école suite au manque d'infrastructures d'accueil. L'on observe de plus en plus de classes pléthoriques, le manque de bancs pupitres, l'insuffisance de manuels scolaires. La pauvreté des familles et les grossesses non désirées chez les jeunes filles entraînent également les abandons scolaires. Pour sortir de cet engrenage, écrit cet hebdomadaire de l'éducation, les spécialistes de l'éducation suggèrent l'augmentation du budget alloué à l'éducation. Le journal Net Press donne les raisons de la destitution de Capitoline Nionizi-Guillet de ses fonctions de ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, la première tête tombée du gouvernement qui vient de changer de look, et rappelle que la mesure intervient après la visite du président de la République aux Émirats arabes unis. En effet, la rédaction de Net Press écrit avoir pressenti cette destitution car la désormais ex-ministre avait franchi le Rubicon en annulant la mission des tambourinaires de Gishora vers ce pays alors que c'est le président de la République en personne qui avait initié le dossier de leur mission aux Émirats arabes unis. Il avait en outre envoyé de faux tambourinaires, dont sa fille, la nièce du secrétaire permanent au dit ministère, ainsi que sa secrétaire, à Dubaï, où le Burundi devait présenter une exposition, poursuit son confrère. Il y avait tellement de désordre, si bien que la mauvaise préparation de cette présentation a abouti à un non-événement, alors que les autorités politiques burundaises misaient beaucoup sur ce voyage. Le destin d'un ministre, c'est de ne plus l'être un jour, dit-on. Et son confrère en ligne de commenter, Capitoline Nionizi-Guillet devrait se contenter du statut d'ancien ministre, car ce dernier débrouille souvent dans la recherche de l'emploi, que ce soit au niveau national ou international. Seulement, au cas où il en aurait un international, poursuit son confrère, il faudrait que le nouvel employeur ne sache pas comment et pourquoi il a quitté la tête de ce ministère, estime la rédaction de Net Press. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Isney Baliko et Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.